Bonjour et bienvenue sur comicstories.fr. Vous avez aimé les écouter l'année dernière, l'été dernier. Eh bien, un an plus tard, elles reviennent parce que les arènes ne sont jamais définitivement fermées. Les Infinity Wars 2016 vont commencer aujourd'hui avec la présentation des équipes, des personnages qui vont jouer cette année. La présentation des coachs, évidemment, également. Mais aussi celle des règles qui ont beaucoup changé par rapport à l'année dernière. Je suis Mathieu et le round 0 des Infinity Wars 2016, c'est maintenant. Et avec moi cette année pour les Infinity Wars, comme l'année dernière, c'est le tenant du titre, l'homme à abattre cette année, évidemment. Il a fait gagner Batwoman l'année précédente dans la première édition des Infinity Wars. Arnaud. Salut. Donc vous savez déjà contre qui il faut s'allier. Le deuxième, qui n'a pas été capable de défendre beaucoup de personnages au-delà du premier tour l'année dernière, rappelez-vous. Clément. Salut. Voilà, qui est même pas capable de dire bonjour à l'heure. Il nous avait rejoint l'année dernière pour la finale seulement. Il a été invité exceptionnel pour défendre deux personnages de Gotham. Est-ce qu'il aura choisi les personnages de Gotham cette année? Mystère. Léo. Salut. Et j'avais qu'un seul personnage de Gotham. Hein. J'avais un personnage de Daredevil aussi. Ah, c'est vrai, c'est vrai. Mais c'était un personnage qui comptait pour deux, c'était le pingouin. Oui, c'est ça. Quelque part. Voilà. Et puis, il n'est pas encore là. Et ça sera peut-être sa marque de fabrique pendant toute la saison. Allez savoir. Et peut-être que du coup, il nous permettra de mettre en pratique cette nouvelle règle contre les coachs absents. Irish, qui ne dit pas bonjour parce qu'il n'est pas là. T'as pas ton imitation, Clément ? Non. Oh, c'est dommage. Ça nous aurait donné un grand moment. Après une imitation d'Elodie il y a quelques semaines. On s'en rappelle. Bien fiché, celle-là. Allez, on va commencer donc le round 0 des Infinity Wars. Cette émission, je l'ai dit en intro, a pour but de présenter les règles, la façon dont vont se dérouler ces Infinity Wars cette année. Ce qu'on peut dire tout d'abord, c'est qu'en dehors de ce round 0, comme l'année dernière, il y aura 8 rounds et une finale. Voilà. La finale ne sera pas en direct cette année, pour des raisons tout simplement techniques. Mais je vous propose, avant de rentrer dans le détail des règles, de commencer par présenter une nouvelle équipe, parce que je sais que finalement c'est un des grands enjeux de ce soir, savoir quels sont les personnages qui ont été choisis et contre qui on va devoir se battre cette année. Je fais par ordre alphabétique. À l'exception de Clément qui sera en dernier, parce que Clément a une équipe très particulière, vous allez le découvrir cette année. Oh putain. Et donc, nous allons commencer par l'équipe d'Arnaud. Arnaud a choisi 15 personnages comme tout le monde. La règle était de choisir au moins 7 personnages féminins dans son équipe pour faire à peu près la moitié. Donc, certains en ont choisi 7, et certains qui n'ont pas eu le choix de leur personnage en ont choisi 8. On va commencer donc, Arnaud, avec tes personnages masculins. Il portera le numéro 1 dans ses Infinity Wars, et c'est Adam Warlock. Que tu as choisi, personnage Marvel, oui. Lié à l'univers galactique. Voilà. Le deuxième personnage que tu as choisi, et qu'est-ce que c'est étonnant de retrouver des personnages de l'univers de Joss Whedon dans ta liste, il porte le numéro 2 cette année, c'est Angel. Ouais. Angel, le vampire, hein, pas le X-Man. Numéro 3, Aquaman. Que j'aime beaucoup. On le savait déjà, tu nous en parlais régulièrement des tomes qui sortaient en VF dans les émissions. Et je me demande si tu l'avais pas déjà l'année dernière dans ton équipe. Je crois, mais je suis pas certain. Mais il avait dû être éliminé avant de commencer. Je pense, oui. Le pauvre. Numéro 4, on reste un peu dans l'eau quelque part. Iceman. Ouais, que j'aime beaucoup dans les premiers X-Men. Voilà, le mutant qui a récemment fait en plus son coming out, donc qui a eu droit à une belle retcon dans les comics de Bendis. Mais c'est pas inintéressant. Il porte le numéro 5 cette année. Évidemment, j'imagine que c'est la version comics que tu défends, mais il apparaît dans Supergirl, puisqu'il s'agit du Martian Manhunter. Oui. Numéro 6 dans ton équipe, Robin, Dick Grayson. Forcément. Qu'est-ce que c'est étonnant de voir Dick Grayson dans ton équipe? Quelle surprise! C'est sûr. Il porte le numéro 7, Venom. Ah. Première surprise dans l'équipe d'Arnaud. Je ne m'attendais pas à trouver Venom. Ouais, moi non plus. Malgré la chaîne de merde, j'aime beaucoup le personnage. Hein. Malgré son interprétation dans les films? Dans le film. Dans le film, oui. Pour l'instant, il n'y en a qu'un. Espérons que ça reste ainsi. C'est pour ça qu'il l'a choisi, évidemment. Et le numéro 8, c'est celui qui m'a le plus surpris, moi. C'est ton dernier personnage masculin issu de l'univers Star Wars. Et il s'agit de Yoda. pourquoi pas. Après tout, très puissant, hein, ça peut servir. On passe au personnage féminin maintenant. Et évidemment, numéro 9, tu ne pouvais que la reconduire pour cette année. C'est la tenante du titre des Infinity Wars. Batwoman, voilà, la grande, va encore être défendue par Arnaud cette année. Il gagne. Donc espérons que son destin ne soit pas le même. Si, si. Ah non. Numéro 10. Numéro 10, bah, tu as Aquaman, donc forcément Mera. Oui, un couple qui fonctionne bien. Ah bah après, on va voir s'ils vont bien fonctionner dans le combat. Oracle pour le numéro 11. Ouais. Barbara Gordon, version chaise roulante. Numéro 12, évidemment, tu as apprécié la saison 2, elle est là, Peggy Carter. Belle Peggy. Numéro 13, Power Girl. À défaut d'avoir Supergirl. Tu as pris Power Girl. Et finalement, Supergirl était déjà prise. Voilà, c'est une toute petite annonce qu'on peut faire. Elle arrivera plus tard dans le jeu. Numéro 14, Quake. Oui. Daisy Johnson, donc. Agents of S.H.I.E.L.D. Agents of S.H.I.E.L.D. et les Secret Warriors. Les Secret Warriors, ouais. Et numéro 15, encore un personnage de l'univers Joss Whedon, de l'univers Buffy, encore une fois. Peut-être parce que tu n'avais pas pu avoir Scarlet Witch ? Non. Non ? Willow Rosenberg. Qui est une très très grande sorcière. Très puissante, et ça peut évidemment servir dans l'équipe. Voilà, l'équipe de 15 pour Arnaud. La gagnante. A priori... Tu peux toujours espérer, va. A priori, rien qui nous fasse trembler. Mais si, tu vas voir. On va parler des règles maintenant. On va commencer par expliquer quelques règles. Chaque round, chacun des 8 rounds, contiendra 8 personnages qui vont se battre. 8 ou 9, hein, puisque vous savez qu'on a un peu plus de 64 personnages, donc voilà, on pourra augmenter le nombre de personnages pour coller au round en fonction des tirages au sort. 8 personnages qui vont combattre, et cette année, la grande nouveauté, c'est que tout va se jouer sur le hasard, mais aussi sur la stratégie, et j'aime bien le dire, la fils de puterie. Voilà. Ce qu'il faut savoir, que grande nouveauté de l'année, ce ne sera pas une joute verbale où il va falloir défendre son personnage face à un autre, expliquer pourquoi il doit gagner et suivi d'un vote. Non, non, non, non, non. Cette année, la plupart des choses vont se jouer comme dans beaucoup de jeux de rôle, au dé. Ah, intéressant. Ah, putain. Nous aurons donc des lancers de dés qui vont définir le destin des personnages et le gain ou la perte de combat, de points, etc. On rentrera dans les détails juste après avoir présenté l'équipe de Léo. On va laisser la chance à Irish d'arriver en cours d'émission. Léo, tu as qui a les personnages numérotés de 46 à 60 dans la liste. Premier personnage, dans l'ordre alphabétique, un personnage qui commence par un chiffre, laisse beaucoup de gens circonspects, et évidemment le Tenth Doctor. Évidemment. Évidemment. Ça ne pouvait pas, il ne pouvait pas en être autrement que d'avoir la version de David dans cette compétition. Un personnage assez puissant qui peut faire des surprises. Évidemment. Deuxième personnage de ta liste, Barry Allen. Bien sûr, mon Flash préféré. Qui sera peut-être confronté à un autre bolide hein, dans ce jeu. Pourquoi pas, il y en a quand même trois. Troisième personnage, le Docteur Strange. Ah oui. Pour l'amour de Benedict Cumberbatch. Entre autres, mais aussi parce que c'est vraiment mon super-héros Marvel préféré. D'accord. Quatrième personnage masculin, Firestorm. Ah oui. Ah ouais. Ah oui, quand même, parce que ah, oui. c'est quand même, il est quand même très très cool. Et je peux oublier les Legends of Tomorrow rien que pour son concept. Ah oui, c'est vraiment t'aimes le personnage. Ah oui. Cinquième personnage, choix qui m'a surpris de ta part, mais choix intéressant, le Joker. Ah mais oui, j'adore le Joker, c'est un personnage quand même fascinant. Celui de non, dame. Non, faut pas exagérer, tu vois, enfin, je veux dire, j'ai de la tolérance, Arnaud, mais pas à ce point-là. Officiellement, il n'y a pas le Joker dans Gotham, à l'heure où on enregistre ce round. Oui, en plus. Oui. Et alors là, le suivant, dans l'ordre alphabétique, évidemment. Et enfin, voilà, comment, quand on connaît un peu Léo et qu'on sait tout ce qu'il aime et qui il aime, comment imaginer une équipe sans qu'il grève ? Bien sûr. Hein, oui. Tant qu'à faire une doublette de tenante dans c'est cette ça. Équipe. C'est ça. Préparez-vous à la déferlante. Un espèce de choc dimensionnel. Voilà. Avant-dernier personnage masculin que tu as choisi, et qui va venir, du coup, concurrencer directement à des personnages d'Arnaud, puisque tu as choisi Nightwing. Eh oui. Eh, mais je l'avais choisi aussi. Ah oui, mais tu as choisi après. Tu m'as... C'était lui le personnage que tu avais choisi et qui n'était pas disponible. Connard. Ça allait être plus rapide, Arnaud. Si je te bats avec Nightwing, par contre, tu t'en entendras parler. Pendant le oui, mais je l'ai quand même, puisque je l'ai sa version Robin. C'est ça, sa version oui. Jeune. Donc on va voir si la version adulte va prendre. C'est tout. Dernier personnage masculin de Léo, est-ce que tu t'en rappelles ? Moi ? Ouais, est-ce que tu te rappelles ? Bien sûr, le dernier personnage, c'est Double Face. Ouais, c'est Two-Face. Ah. J'adore. Version Gotham, évidemment. Non, on va arrêter de déconner. Là aussi, j'ai de la tolérance, mais il faut pas déconner. Hein. Nicolas Zagotto, non. Donc Gotham, c'est pas si bien. Quoi ? Donc c'est pas si bien Gotham, entre le Joker, ouais. Double Face. Et Arnaud, j'ai jamais dit que c'était parfait, faut pas déconner non plus. En plus, là, c'est pas vraiment Double Face, hein. c'est de la figuration, c'est comme Billy Dee Williams dans les films de Tim Burton. Hein. Ouais, mais ça, c'est Harvey Dent, là, surtout dans la série. On va passer à tes personnages féminins maintenant. Arnaud à Oracle, et bah toi t'as Batgirl. Bâtard. Bien sûr, bien sûr. Voilà. Save the cheerleader, save the world. Claire Bennett est là. Oh non. Oh, comment t'as osé. C'est la petite touche sympathique et extravertie à cette liste. Quoique, voilà. Il en reste une autre. Il en reste une autre qui est pas mal aussi. On ajoute à la liste de personnages féminins Emma Frost. Ah oui. Ouais. Qui peut être menaçante, effectivement. Tant dans les films qu'en tant que tel, hein, le personnage est vraiment très intéressant. Finalement, vous allez vous apercevoir que Léo a fait beaucoup de paires. Il a une paire de Tennant, il a Nightwing alors que Grayson est en face, Batgirl alors que Oracle est en face. Il a le Joker, donc il a Harley Quinn. Bien sûr. C'est quand même the personnage féminin, hein, entre autres. T'oublies une autre paire, mais une paire de paires cette fois, puisque t'as Double Face, le schizo et Firestorm, qui quelque part est un peu schizo aussi. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Tout va par deux chez Léo. Comme les coups, pardon. Oh putain. Oh putain. Voilà. Un round zéro qui est déjà explicit content. Il va falloir mettre un avertissement bientôt à ces podcasts. Elle porte le numéro 58, c'est Hit Girl. Ah oui, ça c'est que, l'autre que Clément connaît pour connaître l'univers de Kick-Ass. Oui, oui, oui, oui. Bah, badass, quoi. Badass. Très badass. Et encore une fois, la preuve du fonctionnement par pair, Jessica Jones est là. Ah, voilà. Ce qui est un choix logique aussi pour Léo. Alors, et puis là, elle vient, on sait pas d'où, on sait pas pourquoi. Parce que quand on voit toute la liste qui est plutôt logique et qui convient plutôt à ce qu'on connaît de toi, découvrir Wonder Woman dans ta liste, c'est assez surprenant. Je me suis dit que tant qu'à faire, j'ai beaucoup hésité sur le dernier personnage féminin, mais je me suis dit Wonder Woman en classique, un peu safe. Ouais. Alors, ces personnages-là, comment vont-ils rentrer dans le jeu ? Je vous ai expliqué, au moment de choisir votre liste, à faire attention à bien mixer, et vous avez bien joué le jeu là-dessus, et c'est cool, en prenant des personnages puissants, mais pas que. Voilà, pour que les équipes aient toutes plus ou moins la même force, puisque les joueurs, les personnages, ont tous un classement, en grande partie récupéré sur la Super Hero Database. Un classement dans lequel j'ai retenu la puissance du personnage, et également son intelligence, puisque les deux sont importants dans le combat. Et ces chiffres vont de 1 à 10. J'ai additionné ces deux chiffres, tout simplement. J'ai arrondi à l'unité supérieure. Et ça donne le nombre de points de vie de votre personnage. Mm-hmm. Donc le personnage le plus puissant, qui aurait 10 points en intelligence, 10 points en force, en pouvoir, commencerait le jeu avec 20 points de vie. Le personnage le plus faible pourrait commencer avec 2, par exemple. Ah oui. Donc ce qui peut handicaper d'entrée des personnages ou pas. Vous commencez déjà à voir un peu à quoi vont servir les dés, j'imagine. Ouais. Mais ça, on en parlera juste après avoir découvert ma liste. Ma liste qui porte les personnages numéro 61 à 75. Le premier que j'ai choisi, c'est Batman Beyond, Terry McGinnis. Et puis, puisqu'il fallait vraiment que je gagne cette année, j'ai choisi Darkseid. Tant qu'à faire. Voilà. Et puis, puisque j'aime bien le Dark, j'ai choisi Dark Vador. Ouais. Je voulais quelqu'un de l'univers Star Wars, et puis, bon, je sais pas, j'ai mis Darkseid, et puis tout de suite, Dark Vador m'est venu. Donc, voilà. Numéro 64, il était incontournable cette année, et ça aurait été dommage qu'il soit pas dans les Infinity Wars, Deadpool. Bien sûr. Numéro 65, Iron Fist, que j'ai volé au nez et à la barbe de Clément, qui n'a pas pu le déposer, parce qu'il a posé sa liste après moi, puis de toute façon, sa liste est tellement spéciale qu'il aurait jamais été là. Okay. Et puis il fallait quand même que j'équilibre un peu tout ça. Donc en numéro 66, j'ai choisi Scrooge McDuck, Picsou. Ah, bien sûr. Vous connaissez mon amour pour Picsou, et notamment pour la jeunesse de Picsou. Donc voilà, j'étais obligé de le choisir dans cette équipe cette année. Voilà. Ah, et je m'aperçois que j'ai fait un doublon. Ah bah, t'es con. Avec un personnage d'Arnaud, donc je vais être obligé de changer un personnage à la volée. Ok. Personnage masculin, Spider-Man 2099, pour aller avec Batman Beyond, je trouve que c'est sympa de mettre deux personnages du futur. Et Wally West, pour mon dernier, donc qui va venir montrer à Barry Allen de Léo que non, c'est pas Barry Allen le meilleur Flash. Bah voyons. On va passer à mes personnages féminins maintenant. Elektra. Pas celle du film, quand même. Non, je n'ai pris que des personnages de comics. Elle va faire plaisir à Clément, qui aurait peut-être aimé la voir dans son équipe, mais non, c'est moi qui l'aurais. Gertrude. Quoi ? Quoi ? Qui ? Gertrude, la petite fille coincée dans le monde de Fairyland dans la série de Scott. Ah oui ! Ah oui ! Elle devait être dans mon équipe. Elle est tellement badass, cette fille. Elle est trop bien. Donc Gertrude sera dans les Infinite Wars et vu son aptitude à la survie, vous pourrez vous en occuper. J'ai choisi également Jean Grey, Miss Marvel, Miss Marvel version Kamala Khan, la seule intéressante, Supergirl. Ça, ça peut avoir bien. Coucou Mélissa, c'est pour toi. Et là, c'est un gros coup de cœur, Twilight Sparkle. Oh non. Non, un petit poney quoi. Voilà, il fallait un poney quelque part et c'est Twilight Sparkle. Et donc j'avais un doublon dans mon équipe, je m'en étais pas aperçu, je m'en aperçois que maintenant. J'avais pris Daisy Johnson, mais Quake est déjà dans la liste et a déjà été annoncé. Donc je la remplace par un personnage que j'avais failli inclure dans mon équipe, qui est Anno, l'anomalie dans The Infinite Loop. Ah non. Voilà, grand hommage que je fais voilà du coup au comics qui a remporté l'Award the Duck rappelons lui en 2015. Voilà pour mon équipe. Voilà, clairement, vous avez le gagnant maintenant que cette équipe est présentée. Hein. Non. C'est certain. Comment vont se passer les tours de jeu ? 8 personnages vont être en jeu par round, et chacun un autre tour. Nous allons, au nom du personnage que l'on représente dans ce round, jouer, c'est-à-dire lancer un dé. Un dé dont la valeur va de 1 à 6 au début, parce qu'on aura des personnages qui seront plutôt faibles, qui pourra soit retirer ses points à un personnage, soit soigner un personnage. Donc si notre personnage est mal en point, on peut se dire, je ne vais pas attaquer ce tour-là, je vais soigner mon personnage, donc je vais lancer, et les points du dé, ce sera des points de vie qui me seront rajoutés. D'accord. Si on veut mettre en place la stratégie, on peut aussi soigner quelqu'un d'autre. Oui, c'est ce que j'allais dire, on peut soigner quelqu'un d'autre. En se disant que peut-être cette personne nous renverra l'ascenseur. Ou peut-être que cette personne sera un vrai connard et va se servir des points pour nous anéantir au tour suivant. Tout est possible. Donc un lancer de dés pour soit attaquer, soit soigner. Et derrière, il y aura un deuxième lancer de dés à chaque tour qui est un dé événement. Donc c'est un dé qui va de 1 à 100. Et il y aura une liste de 100 événements possibles. Par exemple, tous les personnages Marvel perdent 5 points de vie. Ça, c'est bâtard. Ou par exemple, pouvoir guérisseur de Wolverine, tous les personnages retrouvent leur vie au maximum. Voilà, ça peut être plein de choses comme ça. Ah, ça va être drôle. Ça peut être, il y aura... Ouais, les 100 sont faits. Il y aura dans la liste, il y en a un qui est particulier, puisque c'est le personnage qui vient de lancer le dé meurt. Voilà, donc c'est un dé qui peut vraiment changer les choses, celui-là. Plus peut-être que les dés d'attaque ou de soin, le premier lancé, voilà, le dé événement qui est lancé à chaque tour peut faire mal. On va parler de la règle du coach absent, ouais. Avant de présenter la liste d'Irish. Un coach absent lors d'un round, le personnage est en jeu, mais sans défense. Okay. C'est-à-dire que c'est un personnage qui ne lancera jamais le dé. C'est un personnage soumis, quoi. Voilà, c'est ça. Ce sera la victime. Ça va être drôle. Parce que l'année dernière, c'est vrai qu'on a été confronté plusieurs fois à ce problème-là et c'était assez pénible de devoir représenter les personnages des autres, etc. Cette année, que nenni, tu n'es pas là, ton personnage crève. Ça, c'est bâtard. En gros, c'est ça. Et ça aura une importance pour la règle que j'expliquerai juste après avoir présenté la liste d'Irish, qui est une liste très surprenante. Vous allez le voir, dès son premier personnage masculin, ces personnages portent les numéros 31 à 45. Et le premier est Apu. Apu, le personnage des Simpsons, qui tient les pistes. C'est pas qu'il a pris tout incendie. C'est des Simpsons. Hein. C'est celui qui tient l'épicerie, en fait. Il a pas pris que des Simpsons. Oui, c'est ça, c'est le genre de. Il a pas pris que les Simpsons. Non, il n'a pas pris que des Simpsons. Puisque le deuxième personnage, c'est Batman. Personnage suivant de Irish, Iron Man. Ouais. Oui, non. Ensuite, il s'est orienté. Logique. Il s'est orienté vers Léo Fitz. Ouais. Ouais. Mais aussi vers Ned Flanders. Ouais, Simpson, il adore. Non. Si, Ned Flanders. C'est quoi son équipe ? J'ai l'impression que Léo est sur un autre fuseau horaire. Oui, toujours. C'est ça, hein, il réagit 3 personnages après. Dernier personnage masculin d'Irish, Spider-Man. Mm-hmm. Voilà. Et alors, pour les personnages féminins. C'est sûr qu'il a pris Maggie. Pour les personnages féminins, Black Widow, Bobby Morse. Donc, Mockingbird. Felicity Smoke. Oh. Donc déjà, quand on voit ce choix-là, on pense que les ambitions d'Irish sont pas très élevées pour ce jeu. Il a choisi Léo Fitz, donc forcément. Il faut l'avoir voulu quand même, hein, ce personnage. Il a choisi également Gemma Simmons. Ouais. Martha Jones. J'attends la réaction de Léo quand ça sera arrivé jusque sur son fuseau. Attends, c'est qui, Martha? Martha Jones dans Doctor Who. Et je le regarde pas, Doctor. Non. Bah si. Non, mais c'est non. Le pire compagnon. Non, c'est le pire compagnon. Mais putain, mais non. Donc, il a choisi, je vais le détruire. Il a choisi la Scarlet Witch. Et puis Clément avait raison, il a choisi Maggie Simpson. Il va donc venir Maggie Simpson, Léo. La petite ah, purée. Le bébé. Donc on aura droit à des bruits de succion dans un des épisodes, ce qui finalement nous changera peut-être pas trop de nos pratiques habituelles. Voilà, bon. Pour l'équipe. Voilà pour l'équipe d'Irish. J'adore quand les blagues arrivent chez les World. Non mais Martha Jones et Felicity, c'est pas possible. Ben, il l'a fait, il l'a fait. C'est ça qui te choque plus que non, non mais il est... Moi je suis plus choqué c'est par Raccoon, mais bon après je oui certes aussi. Je suis normal, par exemple. Mais attendez, vous n'avez pas découvert l'équipe de Clément encore. Ah oui, bah ça. Dernière règle de ce jeu. Bon, évidemment, le survivant d'une arène est qualifié pour la finale, ça on le sait. Quand on tue un personnage, quand notre personnage tue un autre personnage, il va gagner un niveau, un level. C'est comme les points d'expérience. On va passer au niveau supérieur. Et à chaque niveau gagné par le personnage, les points de vie sont restaurés et multipliés par deux. Donc, c'est-à-dire, que c'est-à-dire que le but, ça va être de tuer rapidement pour augmenter rapidement en puissance. Puisqu'en plus des points de vie restaurés multipliés par 2, le dé lancé sera un dé supérieur. C'est-à-dire qu'au début, les personnages de niveau 1 vont tous lancer des dés de 1 à 6. Quand on passe au niveau 2, on lance un dé 10. Puis un dé supérieur à chaque fois. C'est-à-dire donc plus de dégâts ou plus de soins à chaque fois. Donc c'est la prime à l'expérience, la prime au meurtre. D'où l'importance des coachs absents et des personnages qui vont être sans défense, qui vont peut-être permettre de rapidement grappiller des levels d'expérience. Petite question. Ça va être beau. Ça va être, ouais. Donc la fille de puterie, vous voyez que ça va être important aussi de ce côté-là. Voilà pour les règles. Les riches ont intérêt à être plus présents pour le prochain podcast. Bah, au contraire, qu'ils soient absents. Ça nous permettra de gagner plus facilement. Bah oui, il faut qu'ils soient pas là. Voilà, donc pour les règles rapides des déroulements des rounds, du coup, pas de contestation possible, seul le hasard et la stratégie vont jouer. Je ne vois pas du tout à quoi tu t'es resté. Je n'ai cette année aucun impact sur les règles. Dead is dead. Un personnage mort ne reviendra pas, même pour la finale. Pas de repêchage, rien de tout ça. Donc, Merde, j'aurais vraiment dû prendre le pingouin au cas où. À vous de bien jouer avec vos personnages. Et pas de twist non plus dans les rounds. Ce sont des rounds normaux, sans événements. Même dans la finale, ouais, ça sera un combat classique. On va parler de l'équipe de Clément maintenant. Le moment qu'on attend tous. Clément qui avait la flemmardise. De choisir son équipe, qui se faisait un petit peu prier. Je lui dis, bah si tu veux, je te la choisis moi ton équipe. Et là, il m'a dit oui. Le con. Il m'a dit oui. Et alors ? Enfin, il m'a dit oui, mais je veux que ces trois personnages-là soient dans mon équipe. Je lui dis ok. C'est bon, on l'a perdu. Le premier personnage de l'équipe de Clément, personnage masculin. Et là, je pense qu'il va falloir que vous fassiez travailler Google Images, les gars. Ambush Bug. Qui ça ? Ambush Bug. C'est un personnage insecte dans l'univers DC. Attends, Ambush Bug. Quoi, ce personnage sérieux ? Je vous écris son nom dans le chat. Si vous pouvez, si vous... Oh non ! Je regarde, il y a Mad Bat. Voilà. Oh non, mais il a. Donc Ambush Bug est le premier personnage de l'équipe de Clément et ça donne tout de suite le ton. Mais regarde, est-ce que c'est un mélange entre Iron Fist et Kick-Ass ? Oui, un peu. Oh là là, non ! Il aurait bouffé Man Bat. Attends, c'est pas le plus gratiné. C'est d'ici, c'est ça ? Oui, parce que j'ai vu une photo où il est avec Batman. Et c'est pas le pire de ton équipe. Il est assez soft. Le deuxième personnage, c'est un des trois que tu as choisi. Ouais. Le personnage qui a défrayé la chronique dans Saga. Non. Qui est le Blowjob Dragon. Donc le dragon qui se pratique une autofellation dans le saga numéro 28, je crois. Non, mais... le mec. Il portera le numéro 17. Okay. Sérieux. Troisième personnage masculin que je t'ai choisi, je vous l'écris aussi dans le chat, il s'agit de Chip. Ah, ça me dit que le Green Lantern écureuil. Ah oui, oui. Ah mais j'aime bien, il est mignon. Donc on l'appellera Chip parce que voilà, c'est un peu imprononçable, CH apostrophe P. Donc c'est le Green Lantern d'écureuil. Ton ah. 19, et c'est pas le seul lanterne de ton équipe, petit indice. Le 19 a failli être choisi par un autre membre de l'équipe. Et finalement, il n'a pas été choisi par Léo qui n'a pas porté ses testicules jusqu'au bout. Chuck Norris. Non, j'ai pas osé, je me suis dit que c'était trop facile. Donc, il y a eu une série comics Chuck Norris, je crois, dans les années 80. Magnifique, visuellement, si vous cherchez comics Chuck Norris sur Google Images, voilà, c'est assez incroyable. Donc Chuck Norris sera là cette année et sera défendu. Attends, par... mon dieu, c'est quoi? Oh la vache, c'est moche. Ah bah c'est Chuck Norris. 20e personnage de Dragon, j'ai vraiment peur là. Ah bah. Qui est ton 5e personnage masculin, Clément? C'est toi qui l'as choisi. Il s'agit de Goliath. Ah. C'est celui qui meurt dans Civil War, c'est ça? Non. Ah non, je me trompe. Je garde le dernier personnage, l'avant-dernier personnage masculin pour après. Ton dernier personnage masculin, The Watcher, le gardien de Marvel. Ah oui. Parce qu'il fallait quand même quelqu'un dans Idris Elba. Le Watcher, c'est celui qui a la grosse tête. Ah non, c'est Heimdall. C'est celui qui a la grosse tête et qui est présent à chaque événement important dans l'univers Marvel, qui est un peu le témoin de l'univers Marvel. Voilà. Et ton dernier personnage masculin, Clément, je pensais jamais de ma vie, je pensais trouver un personnage comme ça et pouvoir te l'attribuer à toi, c'est vraiment tout un symbole. Je vous écris son nom. Il s'agit de Laser Boy, l'homme de cuir. Oh non. Je vous laisse imaginer son costume. Non. Un costume tout de cuir et de chaîne. Oh, mon Dieu, oh non. Qui est un sombre personnage de l'univers Marvel et qui, vu son look, doit fréquenter la fistinière. Finalement, c'est plutôt logique. Hein. Est-ce que tu es toujours content de m'avoir confié ton équipe? Ouais, c'est aventuré. On va passer à tes personnages féminins maintenant. Alors là, il n'y avait pas Moko dans je t'ai fait un personnage, mais féminin, c'est un vrai cadeau, celui que je te fais là. Donc j'espère vraiment que tu vas la traiter dignement. Parce que c'est mon bébé que je te donne là. Batco. Oh non. Oh, t'avais pas lui confier la Batco. Je me suis dit, il faut quand même qu'il ait un personnage classe. Non, fallait quand même qu'il en ait un classe et Batco. Ah, voilà. Batco. Batco, finaliste d'Infinite Wars 2015. Donc putain, t'as intérêt à bien. Mais elle est pas très forte. Bon, tu rigoles. J'avais regardé justement. Elle est allée sur Apocalypse, bordel. Mais oui, en intelligence, elle est très faible. Mais elle a foutu la misère. Ça marche pas dans ce qui est dans les comics. Hein. Bah si. Ah, ça, t'as pas écouté. Tu l'as mis à côté du Blowjob Dragon, là, franchement, c'est quoi cette écurie? Et la Batco, rappelez-vous le Comic Stories 200. Quel était le rêve de Clément? De voir la Batco où ça? Devenir sur une... Mogo, pour brouter Mogo. Et ben Mogo est dans l'équipe. Voilà ton deuxième Green Lantern, Clément. C'est un personnage féminin, c'est une planète. Ah, je sais. Ah bah oui. Donc pour moi, je l'ai mis dans les personnages féminins. Ah oui, je me disais. Non mais Mogo, quoi. On va faire un gros coucou à Nib, puisque May Parker est dans ton équipe. C'est n'importe quoi. Autre personnage de ton équipe, qui est, comment dire, une vraie conne. Pandora. Barbara Gordon. Oh non. Celle à qui on doit les New 52. On va rajouter Squirrel Girl. Je pensais qu'il donnerait Barbara Gordon. Squirrel Girl, là, oui. Squirrel Girl, la fille écureuil. Qui nous a tant fait commenter une image récemment. Ah oui. On ne vous donnera pas les détails de ce commentaire, mais c'était à base de gland. Non, mais... Starfire. Oh non. Parce que quand même Starfire. Quand t'as fait cette liste, Mathieu. Non, ce Starfire, c'est... Voilà, voilà, en plus dessiné par les Achartis en ce moment. Donc, voilà. J'aime pas. Tu as également droit à Zatanna. Ah, ça ne sert à rien. Mais bien sûr. Et alors, je vais vous donner le nom du dernier personnage féminin de Clément. Je vous le mets dans le chat pour que vous puissiez aller la voir. Parce que alors là, il y a Laser Boy dans les hommes. Et il me fallait quelqu'un en face. Il me fallait une maîtresse femme. Oh, j'ai peur. J'ai choisi Pink Pearl. Je vous laisse aller voir Pink Pearl. C'est sur Marvel. C'est Marvel. C'est une terroriste dans l'univers Marvel. What? C'est quoi? Oh non. Elle est belle, hein. C'est la Big Mama de Marvel. Donc voilà, je pense. Non, c'est horrible. Tu vas la défendre, Clément, sérieux? Je pense que Laser Boy est très content d'avoir Pink Pearl dans son équipe. Ah mais non, mais c'est horrible, mais c'est quoi cette. Oh putain, c'est l'équipe du malsain, franchement. Voilà les 15 personnages de Clément que je vais rappeler quand même. Ambushbug, Blowjob Dragon, Chip, Chuck Norris, Goliath, Laser Boy, The Watcher, Batco, May Parker, Mogo, Pandora, Pink Pearl, Squirrel Girl, Starfire et Zatanna. On a le gagnant. L'équipe de rêve. Alors, si Pink Pearl arrive en finale. Ah, ça serait drôle. Moi, je vous dis, ça va être quelque chose. Une finale Pimperl contre Apu, finale. Ah ouais. Voilà, bah, vous l'avez compris, on risque encore de bien s'amuser cette année. Mais bon, voilà, vous savez que la marque des Infinity Wars, c'est les twists. Ouais. Et on est dans un round 0, mais un round quand même, donc il doit se passer quelque chose dans cette émission. Qu'est-ce qui va être un personnage chez tout le monde. 8 rounds de 8 personnages, je l'ai dit tout à l'heure, ça fait 64 personnages, ils sont 75, il va falloir faire du ménage. Non, voilà. J'en étais sûr. Je vous demande à tous de tuer un de vos personnages tout de suite. Oh non. Je commence avec. Bah oui, sans déconner. Non, mais c'est méchant. Je vous demande de tuer un de vos personnages. Mais c'est quoi ? Arnaud, tu peux choisir dans ta liste que j'ai remise dans le chat le personnage que tu veux éliminer malheureusement maintenant, aujourd'hui, tout de suite. C'est cruel. Iceman, je sais pas. On choisit pour lui. Non, je vais choisir. Oracle. Oracle ? Ouais. Elle n'affrontera donc pas Batgirl ? Elle est déjà handicapée, Arnaud, pas loin. Bah ouais, mais du coup, elle est pas puissante, elle est pas forte, elle est intelligente, mais elle a pas de force. Oracle est donc éliminé de Infinity Wars 2016 sans même avoir vu les arènes. Clément, à toi d'éliminer quelqu'un. Et je sais que c'est dur, vu ta liste. Parce que c'est à cause de cette pute qu'on a eu les New 52 Pandora. Pandora, et c'est un bon choix, ne verra pas les Infinity Wars. Irish n'est pas là. On choisit pour lui. Nous allons donc éliminer pour lui un personnage. Ah oui, Martha Jones. Viens Martha Jones. Je vous remets sa liste. Voilà. Qui souhaitez-vous éliminer? Quelqu'un de puissant. Quelqu'un de puissant. Non, Scarlet Witch. Quelqu'un de puissant. Scarlet Witch. Mais non, Batman. Peu importe. Attends. Batman, ouais. Ouais, je sais pas, non. Ouais, non, Batman. Ah, Batman, il est puissant quand même. Ouais, disons que Batman qui est un peu classe au sein de cette équipe, c'est vrai que ça la fout mal. Bah ouais, attends, mais on peut pas lui laisser Batman, ça serait vrai. Ouais, bon, bah, okay. C'est vrai qu'un mec qui a choisi Apu, on peut pas lui laisser Batman. C'est clair. Attends, le mec, il a Felicity Smoke, il a Madison Son. Il a Ned Flanders, ce gars. Ouais, non, Batman. Non, numéro Batman. 32, Batman éliminé. Il va adorer. Oh, c'est tellement bâtard. Léo, il faut que tu choisisses maintenant. De la règle. C'est déjà le premier coup de. Dans lequel souhaites-tu éliminer dès maintenant? Je sais pas. Nightwing. Claire. Je sais pas trop. On sent déjà les premiers manipulateurs qui essayent de faire éliminer les personnes. Bah oui, il faut éliminer Claire. Enfin. Oui, non, mais ça marchera pas, ça. Mais elle est nulle, Claire, c'est juste pour ça que je dégage. Et ma Grey, preuve... Je sais pas, en fait... Tu sais qu'au bout d'un moment, on va finir par choisir à ta place. Hein. Ouais. Je pense que je vais enlever... parce que... Enfin, c'est certainement un personnage puissant, mais comme tu l'avais dit, Mathieu, il y a une certaine logique dans ma liste de... De ce que j'ai, enfin, des personnages et tout. Faire, ouais. Et donc, je pense que tu as deviné de qui je parle. Non, mais vas-y. Bah, Wonder Woman, du coup, je pense. Ah, Wonder Woman, tu élimines, d'accord, Wonder Woman. Mais ok. T'es bête. Bah, écoutez, ça nous évitera de s'acharner sur elle. Wonder Woman éliminée. Et alors, pour ma part, j'avais même pas réfléchi à ça. Bah, je sais que c'est un personnage puissant. Et là, je suis bien dans la merde parce que j'avais pas réfléchi. Gertrude, non, je la garde. Allez, Anno, parce que j'avais pas prévu qu'elle soit dans mon équipe. Voilà, ils ne sont plus que 70. Il en reste 6 à éliminer. Et maintenant, chacun à notre tour, nous allons nous concerter pour éliminer un personnage chez les autres. On va virer un personnage chez les autres. On va encore virer un personnage dans chaque équipe, mais cette fois, c'est les autres qui le choisissent. Nous allons donc ensemble choisir qui nous enlevons de l'équipe d'Arnaud. Faites gaffe, je vais vous tuer. Moi, je propose la gagnante. Pour la tenante du titre. C'est intéressant de voir si elle est capable de gagner deux fois. Ouais, non, la tenante du titre. Oui, mais on ne veut pas prendre. On ne va pas gagner. Il faut laisser un peu la place. Non, mais il faut laisser la place à quelqu'un de nouveau quand même. Ouais, moi j'aurais plutôt viré, je sais pas, Quake parce que c'est celle que je voulais et que du coup, je sais pas. Non, mais Wonder Woman en plus déjà c'est la tenante du titre et en plus de ça c'est le personnage. Non, Batman. Batman. En plus, c'est le personnage favori d'Arnaud. Donc, tu dégages en plus ton personnage favori. Oui, je pense aussi. Et du coup, Aquaman. Du coup, tu attires ses foudres pour les anneaux. Tu nous as dit qu'on doit avant de démarrer. Avant de démarrer, tu nous as dit qu'on doit être des vrais connards. Ah, bah oui, non, mais après. Tu sais que tu peux faire des alliances aussi. Donc, si tu veux dire Batwoman, On vote. Clément, tu choisis. Ah, attends, mais non, mais Arnaud me parle d'alliance. Donc, maintenant, je réfléchis en termes d'alliance. Parce que si je peux m'allier au Roman. Je vais m'acharner sur toi. Parce que tu es quand même l'instigateur. Si elle est bien. Non, bah, je propose un autre personnage. Oui, oui, on t'entend. Ah. Je propose. Attends, je trouve que Yoda, il est trop puissant. Ta gueule, prends Batman, prends Batman. Ouais. Non, mais Yoda est trop puissant aussi. Donc tu votes Yoda, Clément ? Bah, il a pas envie que je dégage Batwoman, donc je me dis... Non, en fait, j'ai rien dit. Ou Aquaman. Non, mais attends, tu veux éliminer de la concurrence ou pas ? La concurrence, c'est Yoda. Ouais, non, mais... Le Martian Manhunter est bien dangereux aussi. Ah, ouais. Ouais, non, mais... Enfin, Yoda ou... Batwoman. Allez, faut qu'on se mette d'accord. Bah, je sais pas, Arnaud avait l'air maintenant de vouloir Batwoman, donc... Mais tu t'en fous d'Arnaud, c'est nous qui choisissons qui on lui bute. Là, on est des chiens, là. Bah, autant faire le plus puissant. Enfin, moi, je vois Yoda. Léo ? Il a dit Yoda. Léo, Yoda aussi ? Il est parti, il a décidé deux secondes pour aussi sa planche. Ah, d'accord, il a donc voté Yoda. Moi, j'aurais éliminé Quake, mais bon, c'est pas moi qui choisis, puisque la majorité veut que ce soit Yoda, c'est donc Yoda qui est éliminé. Alors, on va virer maintenant quelqu'un chez Clément, et moi, qui est je le propose, plus puissant ? Moi, je propose, parce que c'est donner de la confiture à un cochon, Batco. Bah, je veux savoir qui est le plus puissant, parce que vous saviez pour moi. Moi, je préfère que Batco, elle combatte pas, plutôt que de combattre dans l'équipe de Clément. Moi, je veux savoir qui est le plus puissant. Mon personnage le plus puissant à lui, c'est... là, je saurais même pas... Là, comme ça, tout de suite... C'est toi qui a mis les notes. Tout de suite, là... Ouais, mais je les ai pas là sous les yeux. Ça va jouer... Norris, parce qu'il est trop puissant. Ça va jouer entre Mogo et Chuck Norris ou Goliath. Chuck Norris. Non. Non, il faut laisser Chuck Norris. Mais non, c'est fun d'avoir Chuck Norris, donc quelque part. Peut-être Zatanna aussi, qui est très puissante. Niveau on va magique. Dire Zatanna. Ah ouais, elle est puissante et elle est pas conne. Clairement, dans l'équipe, ça doit être elle la meilleure. Bah, Zatanna, alors je vote pour la pire. Ouais, moi aussi. Alors, Zatanna. Est-ce qu'on pouvait quand même virer Yoda, le plus puissant ? Nous allons maintenant éliminer quelqu'un dans l'équipe d'Irish. Martha Jones. On a déjà viré Batman. Hein. Spider-Man ou Iron Man ? Iron Man. Spider-Man. Pourquoi Martha Jones ? Pourquoi... Parce que le seul qui a le monopole de Doctor Who, et surtout, c'est moi qui ai le docteur, C'est par pure haine ou bien en fait. Qui a Martha finalement c'est quoi ? Ah, c'est moi d'accord. Bon. Et là, on fait le ménage, on élimine des gens dans les équipes. Allez, Iron Man. Iron Man, c'est plus intelligent. Iron Man. Au revoir, Iron Man. Dans l'équipe de Léo maintenant. Et moi, j'ai envie de dire. Docteur. Le docteur. Enfin, non, c'est pas le plus puissant, le docteur. Non. Vous n'avez pas le droit de C'est pas le plus puissant, mais c'est celui qui lui fera le plus de mal. Mais oui, voilà. Ouais, lui fera que d'être très énervé. Vous allez me faire péter un câble si vous faites ça, je vous promets, ça va être l'enfer. Le pire enfer que vous avez jamais vu. Est-ce qu'on va être des gros fils de pute dès le début ? Il rêve quand même, ça le ferait mal, et en plus, ouais. Il est puissant. Doctor Strange, j'ai pas mal. Doctor Strange, c'est un 10-10. Hein. Doctor Strange. En plus, c'est mon personnage Marvel préféré. Mais je vous déteste, mais vous êtes des enfoirés. Doctor Strange ? Ouais, Doctor Strange. Doctor Strange éliminé. Des emmerdes. Vous êtes des salopes. Je vais vous défoncer, Boras. Et dans mon équipe. Claire Bennett. Dans mon équipe. Je vous promets. Je vous redonne. Qui est le plus puissant ? Mathieu ? Darkseid. Ah bah Darkseid. Attends, il est trop dangereux. Ouais, c'est vrai qu'il est. Oui, il est trop puissant, lui. Il est beaucoup trop puissant, Darkseid. Darkseid éliminé. Direct. Ouais. Mathieu ? Oui. Juste pour savoir, Wonder Woman, c'était un 10-10 aussi, j'imagine ? Oui. Donc t'as viré toi-même ton 10-10. C'est ça. Oui, mais je le fais par logique d'équipe, moi. Et par logique de cœur, aussi. Ils sont encore 65. Oh non. Il en reste un à éliminer. Oh, putain. Attends, un ? Oui, bah, l'été. Pour arriver au nombre de 64, il faut en éliminer encore un. Avec un D, j'imagine. Pour quelqu'un. Et voilà, vous l'avez compris, évidemment, la logique de cette année, c'est le D. Donc nous allons lancer un D. Un D 75, puisqu'il y a 75 numéros dans la liste. Et donc, c'est le numéro qui va sortir qui sera éliminé, quoi. Mais on le voit, le dé, ou pas ou... Là, vous pouvez pas le voir, mais je vous mettrai... Alors voilà, nombre de faces, 75. Nombre de dés à lancer, 1. Je lance le dé. 30. Ah. C'est pas cher. Ah, le personnage 30 est déjà éliminé. C'était un personnage de Clément. Oh putain. C'était qui C'était le dernier de sa liste. C'était Zatanna. Je vais donc relancer ce dé. Le suspense est à son comble. 63. Oh, c'est chez moi, ça. Ah, yes. Oh, putain de sa mère. Alors Darth Vader. Ouais. Ah, dur. Qui ça? Darth Vader. Oh, il a perdu. Oh, putain, ouais, quand même. Je viens de perdre quelque chose de gros, là. Dans ta gueule. Ok, bon, bah, c'est le jeu, hein. Ça fait mal au temps, mais c'est comme ça. Ça va être très drôle. Ouais. Dark Vador est donc éliminé. Nous sommes à 64 personnages, ça y est. Mais puisqu'il n'y a pas de twist dans toutes les Infinity Wars, je vous l'ai promis, il y en a un dernier. Faut mettre plus dans cette émission. Chacun à notre tour, nous allons faire un échange avec qui on veut. Ah oh non, c'est nul. Non, moi ça m'arrange. Je me demande bien qui tu vas prendre. Arnaud, tu échanges qui? Attends, faut que je regarde la liste. Je sais pas. Je sais pas. C'est quoi ces règles? Vous pouvez tous réfléchir en même temps. Hein, voilà. Et quand vous savez qui vous voulez changer, vous le dites. Et puis voilà. Moi, je. Attends, redis-moi qui c'est qui est éliminé dans mon équipe. J'ai trouvé. Vas-y. Je vais faire ma pute. Le Joker. Donc tu prends le Joker à Léo et tu lui donnes qui? Ah, faut que je lui donne quelqu'un. Ah bah oui. Bah oui. C'est un échange. Ah. Alors j'ai viré Mera et Oracle. Non, Mera est encore là. Ah bah Mera alors. T'es content Léo, tu récupères Mera et tu perds le Joker. Alors moi je vais donner May Parker. Oui. Allô? Oui. Oui. Je vais donner May Parker et je vais prendre Gertrude. Oh, salope. C'est passé quoi alors? J'ai loupé quoi? Je t'ai piqué le Joker et je te donnais Mera. Je déteste. Je vais vous faire l'enfer, les mecs. Hein. Vous savez même pas à quel point. Et je t'ai pas pris Killgrave. Oui. J'ai hésité. Irish, si tu es là, tu peux faire un échange. Bon, bah, il faut que je donne un personnage. Je vais donner Apu. Oh putain. Et tu le donnes à qui pour récupérer qui dans sa liste? Ah non, si je donne à Pou, non, je veux pas donner à Pou. Je vais donner plutôt Black Widow. Pour récupérer Daisy Johnson. Quake. Chez Arnaud, donc. Arnaud, tu prends donc Black Widow et tu perds Quake. Ça va. C'est mieux qu'à Pou. C'est mieux qu'à Pou. Léo, ton échange? On peut échanger féminin avec un masculin et vice-versa. Oui. C'est pas besoin, pas de problème. Non. Bon, alors, je vais donner... ça dépend. Est-ce que j'ai envie d'être gentil ou pas? Vous m'avez bien énervé, là, donc je vais me... Moi, j'ai rien fait. Voilà. Non, mais j'ai déjà ma cible, t'inquiète. Mais c'est lui qui a créé les règles. Hein. C'est sa faute. Ouais, mais c'est vous qui les appliquez. Ah, on est obligé. Ouais, mais vous avez pliqué mal. En fait, soit je suis sympa et j'en donne un qui est pas, enfin, qui est pas horrible. Pense aux alliances. Moi, je sais déjà. Donc, comme ça, comme je... Après, ces persos, il va falloir les défendre, non? C'est ça. On t'expliquera. Ah, ouais. Je vais prendre Aquaman chez Arnaud. Oh, putain, Arnaud se fait piller ce soir. Voilà. Ah ouais, comme quoi au final fallait pas donner sa liste en premier. Hein. Je vais prendre Aquaman et je vais te filer. Alors j'hésite, mais je pense que je vais te donner Claire Bennett. Putain. Moi j'étais plutôt sympa. Oui. Et moi? Clément, eh bien, Clément il l'a fait. Donc du coup moi je vais échanger. Twilight Sparkle, et je vais reprendre Gertrude. Ah non, c'est méchant. Ah non, mais parce que moi, vous me faites flipper, parce que moi, c'est vous, il y a des gens, je connais jamais entendu parler. Voilà, les équipes sont donc faites, nous avons 64 personnages. 8 personnages pour 8 rounds, on fera la liste des 8 rounds évidemment dans un article, donc je peux juste vous annoncer le premier round puisqu'on prend les personnages tout simplement dans l'ordre par chaque liste, à chaque fois on prend le premier personnage de la liste pour faire un round. Donc le premier round sera composé de Adam Warlock, Ambush Bug, Apu, putain quel round, Apu le pauvre, le 10e Docteur, Batman Beyond, Batwoman, Batco, et Quake. Ça va être magnifique. Voilà pour le premier round. Allez, on se retrouve dans une semaine pour le round 1 et le début des véritables hostilités, puisque là, c'était que de l'entraînement. C'était juste pour faire monter un petit peu la pression et commencer à créer quelques alliances, puisque je sens bien qu'il y a des gens qui se sont attirés les foudres de certaines autres personnes. Rendez-vous dans une semaine pour la première partie des Infinite Wars de cet été 2016. D'ici là, évidemment, bonne lecture, bonne série et à bientôt. Hi. Salut. Salut.